Bon sang, j'ai cru qu'il nous lâchait. Samuel enleva son masque et ses gants, tout en suivant des yeux le chariot qui emportait le patient vers la salle de réveil. « Tu as été merveilleux », affirma l'un des chirurgiens, qui en profita pour lui taper sur l'épaule au passage. « Vous ne pourriez pas opérer des gens en meilleure santé ?» plaisanta Sam. Le malade lui avait donné beaucoup de fil à retordre durant les 3 heures qu'avait duré l'intervention. Brutale chute de tension, trouble du rythme, instabilité. Sam s'était débattu avec tous les incidents imaginables, tandis que les chirurgiens procédaient à l'ablation d'une tumeur sur un poumon. « Un vrai cas d'école », soupira-t-il. « Je vais le surveiller de près, jusqu'à ce qu'il regagne son lit en pneumo. » Nadine Clément, qui avait tenu à être présente au bloc, marmonna un bref compliment avant de saluer l'équipe, et elle adressa à Samuel ce qui pouvait, à la rigueur, passer pour un sourire. « Toujours aussi aimable, celle-là », chuchota l'une des instrumentistes. Sam emprunta le chemin qu'avait pris le chariot, perdu dans ses pensées. Le malade était suivi par le docteur Fontanelle, ainsi qu'en attestait le dossier, où Sam avait trouvé tous les renseignements nécessaires pour préparer son anesthésie. Pascal était toujours aussi précise et claire dans ses comptes rendus. C'était un plaisir de travailler avec elle. Parvenu en salle de réveil, il s'installa au chevet du patient, qui émergeait lentement. « Monsieur Vallier, vous m'entendez ? Monsieur Vallier ?» Un grognement lui répondit, mais il insista, d'une voix forte, jusqu'à obtenir une réponse intelligible. « Tout s'est très bien passé !» affirma-t-il avec une parfaite mauvaise foi. « Vous allez bientôt être redescendu dans votre chambre. » Après quelques essais infructueux, Antoine Vallier prononça une phrase dont le seul mot compréhensible était « fontanelle ». La conscience lui revenait et il réclamait son médecin. C'était bon signe. Avec un sourire attendri, Samuel se souvint que Pascal entretenait toujours d'excellents rapports avec ses patients. Elle leur parlait franchement, ne les infantilisait pas, leur insufflait l'énergie dont ils avaient besoin pour lutter contre la maladie. Il vérifia les écrans de contrôle, reprit l'attention d'Antoine Vallier, puis appela une infirmière. « On va attendre encore un peu avant de le transférer. Je repasse dans une demi-heure. Bipez-moi s'il y a quoi que ce soit. » Pour l'instant, tout ce qu'il désirait était un café noir, accompagné d'une barre de céréales. Il se rendit à la cafétéria, puis sortit du bâtiment, avide de respirer un peu d'air frais. Très frais en l'occurrence, mais au moins le ciel était bleu. Tout en marchant à grands pas afin d'éliminer le stress de cette longue opération, il essaya de réfléchir à une idée de cadeau. S'il s'y prenait trop tard, il achèterait n'importe quoi. Or, Marianne s'attendait sûrement à quelque chose de spécial pour Noël. Mais quoi ? Peut-être une montre ? À quoi ressemblait la sienne ? Bonté divine ! Il n'était même pas capable de se souvenir de ce qu'elle portait au poignet. Pourtant, petit à petit, ses sentiments évoluaient, il se sentait mieux avec elle, et cherchait moins souvent des prétextes pour rester seul. Même quand elle l'envahissait, elle finissait par l'émouvoir. Était-il en train de s'apercevoir des avantages d'une femme douce et fragile ? Contrairement à Pascal, qui possédait un caractère bien trempé et une volonté farouche, Marianne était vulnérable, facilement démunie. On avait forcément envie de la protéger. Et si Samuel avait pu aider Pascal, il n'aurait jamais eu l'idée saugrenue de vouloir la protéger. Il jeta un coup d'œil à sa montre et fit demi-tour. L'infirmière ne l'avait pas bipé, mais il devait revoir Antoine Vallier avant d'autoriser son transfert en pneumo. Un instant, il songea à accompagner son patient, ce qui lui donnerait l'occasion de voir Pascal. À cette heure-ci, elle était dans le service, et il trouverait toujours moyen de bavarder un peu. Ces derniers temps, elle ne lui téléphonait plus, et chaque fois qu'il l'avait croisée, il lui avait trouvé l'air soucieux. La cohabitation avec Nadine Clément posait d'évidents problèmes. Toutefois, Pascal semblait en mesure de les surmonter. Connaissait-elle d'autres soucis dont elle préférait ne pas lui parler ? L'idée qu'elle ne lui fasse plus confiance le désolait. Mais qu'est-ce qui ne le désolait pas quand il pensait à elle ? Entre autres, et par exemple cette sorte d'autorisation que Laurent lui avait implicitement demandée la veille, en annonçant qu'il comptait l'inviter à dîner. Si Sam n'y voyait pas d'objection, bien entendu. Or, quoi de plus consternant qu'imaginer Pascal en tête-à-tête avec un homme comme Laurent ? Il la ferait rire aux éclats, saurait l'intéresser. Il possédait toutes les qualités qu'elle aimait. Ils allaient se plaire, d'ailleurs ils se plaisaient déjà. Sans compter qu'elle devait en avoir assez d'être seule, même si elle prétendait le contraire. Un dîner avec Laurent. Chandelles et musique douce, où allait-il l'emmener? Céderait-elle dès le premier soir? Non, elle n'avait rien d'une femme facile. Laurent devrait faire ses preuves d'abord. Sans doute ne demanderait-il pas mieux? Lui aussi était seul depuis trop longtemps, échaudé par ses deux dernières liaisons, plutôt catastrophiques. À vrai dire, il était mal tombé, le pauvre, ce qui était très injuste, parce qu'il aurait dû être comblé en amour. Sam le plaignait et souhaitait sincèrement le voir trouver la femme idéale. Mais Pascal? Après le divorce, Sam avait endossé le rôle d'ami, parce qu'il ne lui restait rien d'autre, et qu'il refusait farouchement l'idée de perdre Pascal de vue. Ils avaient même pris l'habitude hebdomadaire de déjeuner ensemble, ou au moins de boire un verre. Hélas, Samuel s'était aperçu bien vite qu'il devait s'éloigner physiquement de son ex-femme. Sinon, jamais il n'arriverait à se guérir d'elle. Alors il était parti à Toulouse, se bornant à des contacts téléphoniques réguliers. Il prenait de ses nouvelles, elle lui racontait sa vie, son travail à Necker, ses rares aventures. Il l'écoutait tout en redoutant le jour où elle lui annoncerait qu'elle était amoureuse d'un autre, mais ce n'était pas arrivé. Aujourd'hui, serait-il capable de le supporter? Parviendrait-il à imaginer Pascal dans les bras de Laurent sans les haïr tous les deux? Revenu à l'étage des blocs opératoires, il autorisa le transfert d'Antoine Vallier, qui était tout à fait réveillé et commençait à se plaindre. Cependant, il renonça à l'accompagner. « Vous allez retrouver le docteur Fontanelle. Elle va vous prendre en charge et vous administrer des calmants. » Lui-même aurait eu besoin d'un filtre d'oubli. À force de penser à Pascal, il n'avait toujours aucune idée pour le cadeau de Marianne.